Donc le vénérable hier a parlé des quatre méditations protectrices. Donc comme il l'a expliqué hier, Bouddha Nusati, la contemplation des vertus du Bouddha, permet de surmonter des situations difficiles, telles que par exemple quand on rencontre des visions effrayantes ou des sons effrayants. Quand nous nous sentons en insécurité, cela nous permet de développer donc un sentiment de sécurité. Donc la deuxième méditation protectrice est donc Metta Bhavana, la radiation de l'amour bienveillant. Qu'est-ce que l'amour bienveillant? Qu'est-ce que Metta Bhavana? C'est tout simplement développer le souhait du bien-être de chaque être vivant. Donc nous désirons ainsi le bien-être de tous les êtres. C'est ainsi que nous développons l'esprit de Metta ou cet esprit d'amour bienveillant. On peut aussi également l'appeler l'esprit d'un ami ou l'esprit de famille que l'on aurait pour chaque personne ou chaque être vivant. Nous souhaitons ainsi que cet être soit en bonne santé, puisse être heureux et en paix. Donc ainsi, nous souhaitons à tous les êtres qu'ils puissent être en bonne santé, qu'ils puissent être en paix, qu'ils puissent être heureux. Nous désirons, nous générons ainsi un désir de voir leur bien-être, leur bénéfice. Cet esprit de metta, cet esprit bienveillant, quand il est présent dans notre courant de conscience, eh bien, notre esprit devient pur. Notre esprit devient pur, et d'une part, et d'autre part, les êtres auxquels nous envoyons notre metta, notre amour bienveillant, en retour, développent également un esprit amical envers nous. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à nous nuire, mais au contraire à nous protéger éventuellement. Nous allons ainsi développer le souhait du bien-être des autres, et les autres en retour vont également souhaiter notre bien-être. Il y a ainsi un sentiment amical, un sentiment bienveillant, réciproque entre les êtres et nous-mêmes. Développer ainsi metta, l'amour bienveillant, permet également d'avoir beaucoup de bénéfices. Le Bouddha a enseigné que envoyer l'amour bienveillant à tous les êtres permet de générer plusieurs sortes de bénéfices. Avez-vous déjà entendu combien de bénéfices peuvent être développés en irradiant ainsi des sentiments de metta? Donc il y a 11 bénéfices que l'on peut acquérir en développant metta, en irradiant des pensées d'amour bienveillante. Le premier des bénéfices, c'est de pouvoir dormir d'un bon sommeil, d'un sommeil profond. Le deuxième, c'est de se réveiller de façon alerte, de bien se réveiller. Le troisième, c'est de faire des rêves, d'avoir des rêves plaisants et non des rêves terrifiants. Certains, en effet, quand ils s'endorment, ne s'endorment pas paisiblement. Ils ne dorment pas non plus sereinement et ils font des rêves pleins de dangers, ils font des cauchemars, ils se réveillent souvent dans la nuit. Donc on peut ainsi se réveiller plein d'aplomb, plein de joie. Certains, au contraire, ne se réveillent pas plein de joie, pas très paisiblement. Est-ce que cela également vous avez expérimenté, un réveil joyeux ou un réveil plutôt morose? En effet, des fois, il nous arrive de dormir toute la nuit et pourtant, quand on se lève le matin, on est encore très, très en sommeil, on a encore sommeil. 4h du matin. Oui, c'est parce que vous n'avez pas assez d'heures de sommeil. Mais par contre, Sayado est sûr que vous êtes alerte. En effet, il nous arrive des fois, quand nous sommes chez nous, bien que nous ayons dormi toute la nuit, quand on se réveille le matin, on est encore ankylosé, on est encore très endormi, pas très alerte. Donc un autre bénéfice, c'est que les êtres humains et les êtres célestes apprécient, affectionnent particulièrement la personne qui possède metta, l'amour bienveillant. En général, une personne qui possède l'amour bienveillant metta a une apparence particulièrement rayonnante ou un visage particulièrement rayonnant. Une personne qui détiendrait metta, l'amour bienveillant, est aussi, selon le Bouddha, hors de danger. Hors de danger venant de l'eau, venant du feu, venant des voleurs, etc. Et une personne qui pratiquerait metta bhavana, donc la méditation sur l'amour bienveillant, et qui atteindrait éventuellement les stades d'absorption, les jhanas, pourrait à sa mort reprendre naissance dans les plans des brahmas. Et donc ça, c'est vraiment le plus petit bénéfice que cette personne pourrait développer si elle développe les jhanas. Si par contre elle continue à méditer et qu'elle passe à la pratique de vipassana, là bien sûr, elle peut développer le dhamma et atteindre l'éveil. C'est pour ça, donc, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, il est très bénéfique de développer un esprit empreint de metta, de développer metta, l'amour bienveillant. Et nous pouvons ainsi pratiquer metta bhavana, envoyer des sentiments d'amour bienveillant à tous les êtres, même dans la vie quotidienne. Par exemple, quand nous sommes en voiture, quand nous conduisons, quand nous rencontrons des personnes, des êtres tout au long de notre route, ou quand nous sommes dans le train, ou dans le car, où que nous soyons, quoi que nous faisions, quoi que nous fassions, nous pouvons ainsi envoyer des souhaits de bien-être à toute personne, à tout être que nous rencontrons dans la journée. Et donc ainsi, eh bien nous avons pratiqué Metta Bhavana. Ensuite, un autre bénéfice est qu'au moment de la mort, eh bien une personne qui détient Metta, l'amour bienveillant, peut mourir d'une mort paisible et sereine. Alors que certains, en général, à l'approche de la mort, ont peur, sont angoissés. La personne qui détient Metta, ce ne sera pas son cas. En effet, une personne dont le metta, l'amour bienveillant, est faible, va être submergée par les mauvaises actions qu'elle aurait éventuellement pu commettre dans sa vie. La peur va surgir et elle ne pourra pas mourir d'une mort sereine. En effet, ayant commis des actions négatives, des actions malhabiles durant sa vie, eh bien, elle va savoir plus ou moins intuitivement que ce qui l'attend, eh bien, n'est pas très réjouissant, que la prochaine destination, sa prochaine vie, sa prochaine renaissance risque d'être une renaissance de souffrance, de misère. C'est pourquoi elle a peur. Alors le vénérable demande, est-ce que vous croyez en une prochaine existence? Si vous n'y croyez pas, alors comment vous allez faire? Alors Sayadaw est très curieux parce qu'il vous demande, si vous ne croyez pas à la vie future, pourquoi est-ce que vous méditez? Avec quel objectif? La libération, Lu Miao Chin, Pia, Lu Miao Chin. Mais alors s'il n'y a pas d'autre existence, de quoi voulez-vous vous libérer? Mais dans ces cas-là, cela signifie que implicitement vous croyez en une prochaine existence? Vous n'y croyez pas? Sayadaw dit qu'en effet, il est très curieux parce qu'il se dit en effet, ne croyant pas en une existence future, vous méditez quand même. Il dit c'est dommage parce que vous avez qu'un mal de dos, vous gagnez qu'un mal de dos. Donc le vénérable dit oui, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, eh bien en effet, il y a des vies, il y a des existences futures. Parce que Sayadaw explique ensuite qu'une personne qui ne croirait pas en l'existence de vie future, quel serait son intérêt pour, dans cette vie-là, faire des actions positives, des méritoires? Quel bénéfice aurait-elle? Et de la même façon, si une personne n'envisage pas l'éventualité d'une vie future, eh bien, rien ne l'empêcherait de faire des actions déméritoires, des actions malhabiles, négatives, telles que par exemple tuer, voler. Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Donc, en effet, une personne donc, qui ne croirait pas en l'existence de vie future, eh bien, pourrait donner libre cours à toutes ses envies de faire des actions malhabiles, négatives, ou des actions positives, en fait, comme elle ne croit pas en l'existence future. Mais si, en effet, selon sa croyance, il n'y a pas d'existence future, eh bien, tant mieux. Mais par contre, en fait, il y a des existences futures. Ce qui fait que, eh bien, ce que nous faisons dans cette vie-là, eh bien, a des résultats karmiques dans l'autre vie. Donc, dans notre vie, nous faisons des actions, certaines de nos actions sont positives, bénéfiques, habiles, méritoires, d'autres sont malhabiles, négatives, déméritoires. Et ce qu'il se passe, c'est qu'à l'approche de la mort, eh bien, ces actions-là reviennent à notre esprit. À l'approche de la mort, eh bien, l'esprit prend comme objet des objets qui sont en relation avec les actions positives ou négatives qui ont été faites. À ce moment-là, à l'approche de la mort, si ce sont des objets qui sont reliés à des actions positives, eh bien, on sait implicitement que la prochaine destination qui nous attend après la mort, c'est une destination heureuse. Par contre, si c'est une image, un objet qui est associé à des actions déméritoires que nous avons faites, à des actions négatives, eh bien nous savons aussi implicitement que la prochaine destination vers laquelle nous allons, eh bien c'est une destination de misère, une destination de souffrance. Et à ce moment-là, dans le premier cas, eh bien notre visage est serein, joyeux, nous sommes confiants. Dans le deuxième cas, eh bien en effet, c'est la peur qui surgit. On sent très bien ce qui va nous arriver. Par exemple, si durant notre vie nous avons fait beaucoup d'actions positives, bénéfiques, méritoires, donc à l'approche de la mort, dans notre esprit vont apparaître des objets associés à ces actions-là et nous n'aurons pas peur. Par exemple, nous allons nous rappeler que nous avons pratiqué le Dhamma. Peut-être que nous allons voir dans notre esprit l'image du Bouddha. Nous allons peut-être voir des images de méditants ou cette pièce-là. Peut-être que nous allons nous rappeler les fleurs que nous avons offertes ou les bougies que nous avons offertes, l'encens, etc. Donc tout cela, ce sont des images, des objets qui vont revenir, ressurgir dans notre esprit au moment de la mort. Par exemple, ces objets associés à des actions positives, c'est ce qu'on appelle, ce sont des signes. Et par exemple, nous allons pouvoir voir les signes de notre prochaine renaissance, de notre prochaine destination, tels que par exemple les plans célestes. Par exemple, au contraire, une personne qui verrait à l'approche de la mort des objets associés à des actions négatives, déméritoires, va avoir peur. Par exemple, si elle a beaucoup péché dans sa vie, elle peut par exemple avoir des visions de poissons qu'elle a tués ou des crochets qu'elle a utilisés pour pêcher les poissons ou les poissons qu'elle a coupés en petits morceaux. Et donc ce sont des objets, des images assez terrifiantes qui vont ressurgir à son esprit. Et cette personne-là donc ne va pas du tout se sentir réassurée à cet instant-là. Et de même, elle n'est pas rassurée par la destination vers laquelle elle va. Il y a donc des objets, des images douloureuses qui lui reviennent à l'esprit. Ce n'est pas des plans célestes qu'elle va voir, mais plutôt des forêts sombres ou des endroits terrifiants. Donc tout cela va faire surgir la peur en elle. Le Narab dit en effet, le principal, que vous croyez aux vies futures ou que vous n'y croyez pas, le plus important, c'est de développer, de faire des actions positives, de faire des actions méritoires. Et le Vénérable explique aussi que ce qui est important, ce n'est pas seulement d'éviter des actions malhabiles, des actions négatives, mais de faire des actions aussi positives, bénéfiques, méritoires. Si on peut réfléchir en ces termes, en se disant, eh bien, je vais essayer de ne faire que les meilleures actions possibles. Eh bien, c'est très bien. De faire les actions les plus bénéfiques possibles, les plus positives possibles. Et c'est pour ça que donc Sayado souligne bien qu'il y a donc deux aspects. Le premier, c'est de vraiment éviter ce qui est négatif, mais juste d'éviter ce qui est négatif n'est pas suffisant, parce que ça nous empêche de faire ce qui est négatif, mais pas forcément de faire ce qui est positif. Donc il faut non seulement éviter tout ce qui est négatif, malhabile, déméritoire, mais en même temps développer le plus possible tout ce qui est bénéfique, méritoire. Par exemple, eh bien, si on passe toute sa journée, toute sa vie qu'à manger et dormir, en effet, on évite tout ce qui est négatif. On ne fait rien de mal. Par contre, on ne fait pas de grandes œuvres non plus. On ne fait pas grand-chose de bien. À l'époque du Bouddha, il y avait ainsi un père et un fils. Le fils, lui, était devenu moine déjà, et son père, par contre, ne l'était pas encore. Son père, dans sa vie, avait été chasseur. Et quand son fils, donc le jeune moine, repensait à son père, il s'inquiétait, parce qu'il se disait que son père, durant sa vie, avait tué beaucoup d'animaux, il avait ainsi commis beaucoup d'actions déméritoires, beaucoup d'actions négatives. Et donc il s'inquiétait quant à la future destination, le prochain voyage de son père. C'est pour cela qu'il a aidé son père, de sorte que son père prenne la robe, devienne moine, que son père devienne moine. Ainsi, le père a pris la robe et est devenu moine. Comme il était âgé, donc il s'approchait de la mort, et donc à l'approche de la mort, il était très malade, et à ce moment-là, il a eu des visions concernant des visions relatives à sa mort. Le vénérable explique qu'en effet, il y a trois sortes de signes qu'un mourant est amené à rencontrer, qu'il peut rencontrer. Le premier des signes, ce sont des signes qui sont associés à des actions commises durant sa vie. Par exemple, si ce sont des actions négatives, eh bien, il revoit les actions qu'il a commises, qu'il a faites. Ensuite, le deuxième type de signes, ce sont des signes relatifs aux objets, aux endroits des objets, donc relatifs aux actions qui ont été commises. Ensuite, le troisième signe, la troisième sorte de signes, ce sont des signes présageant la destination future du mourant. Donc tout le monde est amené donc à rencontrer un de ces signes-là. Et le moine âgé, donc à l'approche de la mort, commençait à voir, par exemple, à avoir des visions de forêt, des visions de chiens, des visions d'animaux qu'il avait tués durant sa vie en tant que chasseur. Il entendait, il voyait par exemple des chiens aboyer et qui venaient vers lui. Donc à ce moment-là, il a eu peur, il prit peur et il appela son fils pour lui dire que des chiens venaient à lui aboyer dessus et que des chiens venaient sur lui. C'est à ce moment-là, donc, son fils, le jeune moine, a su que son père allait se diriger vers une destination de misère. Près du monastère, il y avait une montagne au-dessus de laquelle il y avait une stupa, une relique du Bouddha. Et c'est pour ça que le jeune moine, donc, accompagné de certains novices, le jeune moine avec certains novices, donc, est allé en haut de la montagne. Ils ont cueilli des fleurs également, qu'ils sont allés donc offrir au Bouddha, à cette stupa-là. Ensuite, ils sont redescendus de la montagne et le jeune moine est allé voir son père et lui a dit: Père, réjouissez-vous, nous avons offert des fleurs au Bouddha en votre nom. À ce moment-là, donc, le moine âgé s'est réjoui. Il a appliqué son esprit donc à la bonne action qui avait été faite. Et à ce moment-là, il a appelé son fils encore et lui a dit: Fils, fils, fils, je vois des jeunes femmes, je vois qui viennent m'accueillir. Et là, à ce moment-là, donc, son fils s'est senti rassuré. Il savait que son père, le signe était positif, était bon. Donc, il savait que son père, donc, allait vers une destination heureuse. Et à ce moment-là, donc, son père est mort et il est allé donc vers une bonne destination. Sayadaw précise que par les femmes qu'il voit, ce sont ses filles et ce sont ses filles et ses filles aussi de parenté. Est-ce que vous connaissez la signification de voir ainsi en vision, par exemple, ces filles qui viennent, nos filles qui viennent vers nous? Quelle est la signification d'avoir en vision comme ça des jeunes femmes, qui sont nos filles ou qui sont nos filles de sang, nos filles de parenté, nos belles-filles? Donc en effet, avant qu'il ait pu ainsi se concentrer sur l'offrande de fleurs qui avait été faite, son esprit était envahi par des objets terrifiants. Et des objets, des visions terrifiantes qui traduisaient la destination vers laquelle il allait aller. Ça, c'était peut-être des destinations telles que l'enfer ou des plans de misère. Par contre, une fois que l'offrande a été faite et donc qu'il s'est concentré sur cet objet-là, sur cette offrande-là, son esprit a changé. Et donc, il a commencé à voir des signes positifs, tels que justement ces jeunes femmes, ces filles, ces filles de sang, ces filles, ces belles filles qu'il appelait. Et Sayado explique que ces filles-là, ce sont des filles, ce sont des jeunes femmes des plans célestes qui venaient l'appeler. Venez, venez, venez, qui venaient l'accueillir en fait. Sayado demande si vous comprenez quand ce sont des filles qui viennent l'accueillir, des filles de sang, ou ces belles filles, ces futures belles filles. Donc ainsi, le moine âgé est mort en contemplant les vertus du Bouddha. Il s'est réjoui de l'offrande qui a été offerte au Bouddha. Et donc son visage est devenu serein. Les signes, en effet, qu'il voyait, donc ces jeunes femmes des plans célestes, ces futures filles ou ces futures filles, ces futures belles filles, annonçaient, présageaient donc qu'il allait reprendre naissance dans les plans célestes, dans les plans des Devas. Et à cela, donc le jeune moine, son fils, eh bien, était rassuré. Donc le vénérable explique qu'on lui a raconté comme ça aussi, que dans les hôpitaux, les docteurs expliquent que certains mourants aussi, bien qu'ils ne, comment dire, certains mourants serrent la croix, certains mourants qui sont catholiques prennent la croix et la serrent près de leur cœur également. Et à ce moment-là, ils le font parce qu'ils ont très peur de la mort, en fait. Donc, ils se rattachent à cela. Donc, il continue avec une autre histoire. Et à l'époque du Bouddha, au temps du Bouddha, il y avait ainsi un homme qui, tous les jours, offrait la nourriture à 500 moines. Cet homme avait également trois ou quatre filles et ainsi. Il se relayait chacun son tour pour cuisiner et offrir de la nourriture aux moines. C'est une habitude. C'est une habitude peut-être qui n'est pas ancrée ici en Occident, mais par contre, en Asie, cela est très habituel donc tous les matins pour les personnes qui ont Saddha, c'est-à-dire la foi et la confiance dans le Bouddha Sasana, et également qui ont les moyens donc d'offrir selon leurs possibilités donc la nourriture, de faire des offrandes d'ana aux moines. Ici, ceux qui sont responsables de la cuisine doivent cuisiner pour à peu près une vingtaine de personnes. Ce n'est pas une tâche aisée. Alors imaginez-vous bien que nourrir 500 personnes tous les jours, c'est loin d'être facile non plus. Donc en Birmanie, dès le lever du soleil, eh bien les gens se pressent à la porte et ils ont déjà tout le repas prêt ou le riz est cuit déjà et ainsi ils peuvent offrir la nourriture aux moines qui font leur quête d'aumône. Et chaque personne offre ainsi par exemple une cuillerée de riz à chaque moine. Donc ainsi, tous les jours, ils offraient de la nourriture et donc tous les jours, ils doivent réfléchir, s'organiser, que cuisiner, comment cuisiner. Donc leur esprit est très préoccupé par leur offrande et donc cela est vraiment une source de réjouissance pour eux. Qu'est-ce qui est mieux entre tout simplement manger tout seul, à faire ses courses tout seul, cuisiner tout seul et manger tout seul, ou partager son repas, voir que quelqu'un a faim également et partager son repas avec cette personne. Ça dépend des jours. Et si vous pouviez par exemple manger tous les jours et également partager votre nourriture tous les jours, ça serait pas mieux? Donc par exemple ici, tous les matins et tous les après-midi, il y a des danas, il y a des offrandes de nourriture qui est faite. Et qu'est-ce qui est mieux alors? Offrir ou recevoir, offrir la nourriture ou être celui ou celle qui reçoit la nourriture. Si Sayado donc vous offre la nourriture tous les jours, est-ce que vous allez rester ici un mois? D'accord. Donc en partageant ainsi la nourriture avec les autres, eh bien on se réjouit, on est très content nous-mêmes et la personne qui reçoit également la nourriture, le repas est très heureuse également. Donc les deux personnes sont heureuses. Sayado explique qu'en Birmanie, à Rangoon, dans le centre Panditarama, l'été, il y a des fois 700 yogis. Et à cette époque-là, il y a 700 yogis, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien, il y a des danas, il y a des offrandes de repas. En effet, c'est très étonnant, mais il n'y a pratiquement plus de place. Tout est réservé pour les danas à cette époque-là. Et Sayado dit qu'en effet, c'est très étonnant. Mais donc, ceux qui offrent les repas, la nourriture, sont très contents, ils sont aux anges. Et en même temps, les yogis qui pratiquent aussi sont très contents. Pour revenir à notre histoire, donc, cet homme-là donc offre la nourriture tous les jours, à 500 moines. Donc cet homme-là est devenu donc de plus en plus âgé, il est devenu malade et donc il s'approchait de la mort. À ce moment-là, il eut le désir d'écouter le Dhamma et il demanda donc à quelqu'un d'aller vers le Bouddha, de sorte que le Bouddha, d'aller vers le Bouddha et de demander à un moine de venir chez lui. Donc un moine envoyé par le Bouddha vint chez lui et lui donna un sermon sur le Dhamma. Il écoutait le Dhamma, il écoutait le sermon prêché par le moine, et à ce moment-là aussi, des signes positifs, des bons signes de sa prochaine destination lui apparurent. À ce moment-là, il se mit à dire: ah, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Et le moine qui était en train de prêcher le sermon, sur le Satipatthana justement, pensait que cet homme s'adressait à lui et qu'il en avait assez d'écouter le Dhamma. C'est pour cela qu'il s'arrêta de prêcher le Dhamma et qu'il rentra au monastère. Les filles de cet homme-là, devinrent très inquiètes aussi, parce qu'avant, leur père ne se lassait jamais d'écouter le Dhamma. Il n'en avait jamais assez. Et maintenant, pourquoi tout d'un coup, on en avait-il assez d'écouter le Dhamma après juste un tout petit temps d'écoute? C'est pour ça que ces filles, inquiètes, étaient tristes et se mirent à pleurer. Le père, donc, a demandé aux filles la raison de leurs pleurs. Celles-ci lui expliquèrent. Et à ce moment-là, donc, le père prit conscience de ce qui se passait chez ses filles. Et donc, le père, donc, comprenant la raison pour laquelle ses filles pleuraient, leur expliqua pourquoi est-ce qu'il avait dit assez, assez, assez. En fait, il ne disait pas assez, assez aux moines, mais il disait assez, assez aux jeunes filles qu'il voyait arriver des plans célestes. Il avait en effet en vision des chariots venant des plans célestes avec des jeunes filles dedans qu'il appelait. Et il leur disait justement: c'est assez, je suis en train d'écouter le Dhamma. Et donc Sayado dit: voilà les jeunes filles qui reviennent encore. Ces filles ne le crurent pas. Et comme preuve de la véracité de ce qu'il disait, eh bien il s'est dit: si vous ne me croyez pas, eh bien qu'une guirlande de fleurs tombe du plan céleste où je dois aller. Et à ce moment-là, donc il a tendu la main et une guirlande de fleurs lui est tombée sur la main. Il a ensuite focalisé son attention sur le plan céleste sur lequel il voulait aller. Il y a six plans célestes et donc il a porté son attention sur le plan céleste dans lequel il voulait aller et il a jeté donc cette guirlande de fleurs sur ce plan céleste-là. Enfin, disons qu'il y a, il y a, l'explication est un peu plus compliquée, c'est que de ce plan céleste-là, il y a un chariot qui est descendu et donc il a envoyé comme ça cette guirlande de fleurs qui est venue s'accrocher sur ce chariot-là. Et c'est pour ça que le Bouddha, donc, a donné un enseignement. Il a prêché une strophe qui est la suivante: la personne qui accomplit des actes méritoires, bénéfiques, positifs cette vie-là, est heureuse cette vie-là, durant cette vie même, et elle est également heureuse dans l'autre vie, dans la vie future. Alors, est-ce que vous y croyez? Et il en est de même pour les actions déméritoires. Une personne qui commet beaucoup d'actions malhabiles, négatives dans cette vie, eh bien, doit en subir les conséquences non seulement dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies futures. qu'une personne, par exemple, qui commettrait beaucoup d'actions négatives, telles que tuer des êtres, tuer, voler, etc., eh bien, devra en subir les conséquences dans cette vie-là, peut-être même qu'elle devra en payer de sa vie. Ce père, cet homme-là, a avant tout conseillé à ses filles, encouragé à ses filles, comme il l'avait fait lui-même, de continuer à faire autant d'actions positives, bénéfiques, méritoires que possible. Et sur ce, eh bien, il est parti sur l'autre vie, vers l'autre vie. Et ça y a deux dit, c'est comme ça que on en est arrivé, en parlant de Metta Bhavana, il en est arrivé à raconter ses histoires. C'est pour ça que les Sayadaw expliquent que les anciens maîtres avaient l'habitude de sermonner ainsi les personnes. Que cela nous plaise ou non, ou que ça soit une habitude ou pas, eh bien, il est très important de faire des actions positives. Qu'au départ, on ait le désir de le faire ou qu'on n'ait pas ce désir-là, qu'on n'ait pas le désir de le faire, il est très important de faire des actions positives. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je voudrais savoir, mais si on fait des actions, forcément, si on force pour faire des actions positives, mais on ne les sent pas. Qu'est-ce qui passe? Du lot de cas de l'écran, le lobe me cause, c'est tellement ma pierre, et il l'obe des origines, comme Mandala. Mais si vous faites des actions positives, il y aura toujours des fruits positifs. À ce moment-là, en effet, le désir de faire des actions positives n'est pas encore naturel, automatique. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous pousser ou il faut qu'il y ait une contrainte. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là. Ou justement cela deviendrait naturel. C'est comme par exemple qui se lèverait naturellement à 4 heures tous les jours. Par exemple, que l'on ait follement envie de se lever à 4 heures ou non, eh bien on le fait quand même parce qu'on sait que cela est bénéfique. Et Sayadaw explique que de la même façon pour la pratique de la générosité, dana, des fois on n'a pas toujours un désir spontané, mais que finalement, au départ, on ait vraiment envie ou qu'on n'ait pas envie, le fait de le faire, finalement, permet de semer des graines positives, donc d'avoir des fruits positifs, de récolter des fruits positifs. Oui, en effet, des fois, on n'a pas trop envie de pratiquer la générosité, de faire dana, parce qu'on est encore attaché à nos objets, à nos biens. On n'a pas envie de les donner. Des fois, ça arrive à Sayado aussi. Il dit qu'en effet, des fois, c'est pas encore instinctif, c'est pas naturel. Par exemple, on aimerait bien donner 10 euros, mais on dit que c'est dommage, ce serait dommage quand même qu'il sorte de notre poche. Et donc, il faut qu'on se pousse un petit peu pour offrir 10 euros. Et donc, ça y a d'autres ici, il faut qu'on se pousse pour offrir 10 euros. Donc, pour offrir 20 euros, eh bien, c'est pas si facile que ça non plus. Donc, il faut comme ça s'habituer. Donc, Sayado dit qu'en effet, ici, nous accomplissons beaucoup d'actes méritoires, beaucoup d'actions positives. Nous nous levons très tôt et il y a beaucoup de personnes qui ne se lèveraient pas à cette heure-là. Nous pratiquons la méditation. Cela peut parfois être très fatigant aussi et c'est un travail que peu de gens entreprendraient également. Mais nous savons que cela est très bénéfique pour notre vie, pour notre existence, donc nous le faisons. ကဲကောင်းပြီအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆောင်လျှောက်ဒီတရားတွေဘေးကဘောဓိကတ်တွေပြည့်စုံအောင်ထား၍တရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဆင်းရဲငြိမ်းရအောင်လည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ ။သာဓုသာဓုသာဓု